sais que je suis loin d'être un homme parfait. Même que tous mes défauts, tout le monde les connaît. Lorsque la terre entière me montre du doigt, tu tournes ton regard, tu vois le meilleur en moi. J'ai pas besoin de faire semblant d'être heureux, car je sais qu'à tes yeux, je suis si précieux. À chaque fois tu me regardes, tu vois le meilleur en moi. À chaque fois tu me regardes, tu me rends meilleur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, toi, toi, toi. Il n'y a que toi qui vois le meilleur en moi, tu vois le meilleur en moi, tu vois le meilleur, tu vois le meilleur. À chaque fois que tu me regardes, tu vois le meilleur en moi, tu vois le meilleur, tu vois le meilleur en moi. Sont ceux qui viennent me voir tomber. Toi fidèlement, tu viens me relever. Tu crois en moi même quand je doute de moi. Et quand je perds la foi, tu es toujours là. Avec toi je ne fais pas semblant d'être heureux, car je sais qu'à tes yeux, je suis si précieux. Que je sois, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Ne me laisse pas sans toi, moi j'ai froid. Ne me laisse pas. Tu es mon abri, mon appui et la force qui me fait tenir dans ce monde féroce. J'ai besoin de toi. Regarde le monde me juge. Oh oh. Tu vois le meilleur en moi. Tu vois le meilleur. Tu vois le meilleur en moi. Tu vois le meilleur. Quand tout le monde me fuit. Tu vois le meilleur. Quand tout le monde m'abandonne. Tu vois le meilleur. Oh oh oh. Quoi que l'on dise. Quoi que l'on pense. Oh oh. Le plus important est ce que tu dis de moi. Le plus important est ce que tu dis de moi. Tu vois le meilleur en moi.